Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de la lumière de l'espérance. Jésus a dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus-Christ est venu comme une lumière d'espérance dans la vie des gens qui en sont dépourvus, pour les faire sortir des ténèbres du désespoir. Avant de connaître Jésus, j'étais dans un désespoir continuel. J'en étais arrivé à presque toujours vivre avec des pensées de suicide, parce que mes problèmes semblaient n'avoir absolument aucune solution. Quand on est arrivé à regarder la mort comme une solution, c'est parce qu'on n'est pas tellement bien dans sa peau, hein? Je sais ce que c'est que ne plus avoir la force de travailler et de ne plus avoir la force de rien faire, de passer toutes ses journées assis dans une chaise ou couché dans son lit à penser à ses problèmes. Je passais tellement de temps à penser à mes problèmes que j'étais littéralement épuisé, arrivé seulement à la moitié de la journée. Il y a des jours où ça me demandait des efforts surhumains juste pour me faire la barbe ou me passer un coup de brosse dans les cheveux. En fait, la plupart du temps, je ne le faisais pas. J'aimais mieux marcher dans les cimetières que de marcher dans la rue. C'est ce qu'on appelle vivre dans les ténèbres, mes amis. Dans les ténèbres de la désespérance. Mais quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ, à manger sa chair et à boire son sang, comme dit l'Écriture, les forces me sont revenues. Jésus a dit avec raison que sa chair était vraiment une nourriture et que son sang était vraiment un breuvage. Lisez les Évangiles et laissez la foi et la confiance entrer en vous et les forces vont vous revenir. À mesure que vous avancerez dans la foi, qu'elle deviendra plus ferme, plus ardente, plus active, la joie abondera de plus en plus dans votre âme. Les clartés s'ajouteront aux clartés. Et quand vous prendrez pour vous toutes les merveilleuses promesses que le Christ a faites à ceux qui croiront en lui, votre vie sortira des ténèbres, je vous en fais la promesse, et vous entrerez dans une merveilleuse lumière intérieure. Vous aurez l'impression de vivre dans un nouveau monde. L'Évangile est le mode d'emploi de l'être humain. La Bible, en parlant de Jésus, a dit « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Encore ailleurs, il est dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On peut aussi traduire « Il verra clair pour se conduire dans la vie. » Si ce message vous a touché et que vous voulez cette lumière pour éclairer votre vie, fermez les yeux et faites cette prière avec moi. « Oui, mon Dieu, je suis dans les ténèbres dont votre serviteur a parlé. J'ai perdu espoir et je n'ai pas de sens à ma vie. Mais je sais que le Christ possède ce qui me manque. J'accepte donc Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux me mettre à son école et apprendre de lui tout ce que je dois savoir pour être un bon disciple, être heureux et hériter la vie éternelle. Amen. » Je vous encourage fortement à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.